الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعم كثيرة وآلائه العظيمة، على نعمة الإسلام والإيمان، على نعمة القرآن والهداية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى القيام بشكر نعمه. ومن هذه النعم العظيمة نعمة طالب العلم وحب أهله، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا ما جهلنا ويسر لنا العمل بما يحب ويرضى. ونعصي الله سبحانه وتعالى celui qui nous a comblé de ses nombreux bienfaits, le bienfait de l'islam, le bienfait de la foi, le bienfait de la révélation du Coran, de l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le bienfait de la guider. Et si on essaierait, et si on essaye de dénombrer les bienfaits d'Allah, on ne réussira pas à le faire. Et parmi ces grands bienfaits, les assises de science, on se rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'étudie, on la comprend, la mémorise, afin de la mettre en pratique, pour pouvoir la transmettre aux gens qu'on a laissés derrière nous. Et ce soir, Inch'Allah ta'ala, nous allons étudier le 24e hadith, qui est un hadith azim. C'est un des hadiths les plus magnifiques du recueil de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم هذا الحديث حديث عظيم قراءته موعظة وفهمه والعمل به نجاة Le 24e hadith, d'après Abu Dhar al-Ghifari, qu'Allah soit satisfait de lui, d'après ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de son Seigneur, ô mes serviteurs. Donc c'est ce qu'on appelle un hadith qudusi, un hadith à thème divin. C'est un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah a dit, et il cite la parole d'Allah qui n'est pas dans le Coran. C'est ce qu'on appelle un hadith qudusi, un hadith à thème divin. Donc d'après Abu Dhar al-Ghifari radiallahu anhu, d'après ce que rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, ô mes serviteurs, je me suis certes interdit l'injustice à moi-même et l'ai rendu interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi donc de vous guider et je vous guiderai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que j'ai nourri. Demandez-moi donc de vous nourrir et je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que j'ai vêtu. Demandez-moi donc de vous vêtir et je vous vêtirai. Ô mes serviteurs, vous péchez, vous commettez des péchés de jour comme de nuit, et je pardonne l'ensemble des péchés. Demandez-moi donc pardon et je vous pardonnerai. Ô mes serviteurs, vous ne saurez jamais me causer du tort ou m'être bénéfique. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier d'entre vous, des humains, du premier, naam, ô mes serviteurs, si du premier au dernier d'entre vous, des humains et des djinns possédiez la piété la plus forte de celui qui se trouve, de celui d'entre vous, cela n'ajouterait en rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier d'entre vous, des humains aux djinns, aviez le cœur le plus pervers d'entre vous, cela ne diminuerait en rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier d'entre vous, des humains aux djinns, étiez tous tenus debout au même endroit, afin de me demander, alors ce que j'aurais accordé à chacun d'entre vous ne diminuerait en rien ce que je possède. Pas plus que l'aiguille ne retire à la mer après l'avoir pénétrée. Ô mes serviteurs, ce ne sont que vos œuvres que je tiens compte, puis selon elles je vous rétribuerai. Celui qui trouvera un bien, qu'il remercie Allah. Et celui qui trouvera autre chose, qu'il ne blâme que lui-même. Apporté par l'imam Muslim. Ce hadith est donc ce qu'on appelle un hadith qudusi. C'est un hadith, comme ils ont traduit en français, à thème divin. Wa amthalu hadhihi al-ahadith tabda'u bimithli ma fi hadha al-hadith fima yarwi an rabbihi aw fima yarwi an Allah أو قال الله تبارك وتعالى أو يقول الله تبارك وتعالى وليس من القرآن. Donc dans le hadith qudusi, on voit qu'au début ça commence par ce genre de paroles. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit selon ce qu'il rapporte de son Seigneur. Mais cette parole ne fait pas partie du Coran. Donc c'est entre le hadith et entre le Coran. Et il y a plusieurs différences entre les trois. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, on va citer quelques points concernant cela. Et tout ce que nous transmet le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit le Coran ou que ce soit les hadiths. Car l'ensemble fait partie de la révélation. L'ensemble fait partie de la révélation. Si ce n'est qu'il y a une différence entre le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a entre les deux l'ahadith al-Qudsiyya. Donc la première chose, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous transmet du Coran. Cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lafzan wa ma'na. Ou al-kalam yunsabu ila Allah tabaraka wa ta'ala. Donc premièrement le Coran, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmet se divise en trois. Premièrement, le Coran al-Karim, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le sens et les mots et les lettres, l'ensemble vient d'Allah azza wa jalla. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous transmet cette parole, il nous dit que c'est la parole d'Allah et que c'est du Coran. Deuxièmement, ce qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on nous transmet cela, les compagnons disent قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهُ وَهُوَ صَادِقُ الْمَصُّوُ. Par exemple. Donc les hadiths sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça vient aussi de la révélation. C'est Allah azza wa jal qui lui ordonne cela. Mais il dit cela avec l'éloquence qui lui a été accordée. Ce qu'on a vu, Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit cela avec ses mots, avec l'éloquence qui lui a été particulière, avec cette éloquence qu'Allah azza wa jal lui a donnée. Et lorsqu'on transmet cette parole, on dit le messager d'Allah a dit. On ne dit pas Allah a dit. Donc cette parole est attribuée à qui ? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le Coran, la parole est attribuée à qui ? À Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la base du hadith vient d'Allah, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam transmet cela avec ses mots. Et Jibril alayhi salam, il descendait avec la sunna, tout comme il descendait avec le Coran. La révélation ne comprend pas que le Coran, non. Il y a plus que cela, il y a aussi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. القرآن من الفوارق القرآن لا يذكر إلا لفظا. Parmi les différences qu'il y a entre le Coran et la Sunna, c'est que le Coran, tu n'as pas le droit de le rapporter selon le sens rapproché, alors que la Sunna, tu as le droit de le dire selon le sens rapproché. Par contre, le Coran, tu dois le dire لفظا. Tu dois le dire لفظا. Tu n'as pas le droit de le dire selon le sens rapproché. Tu dois le dire mot pour mot. Al-Qur'an est révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam bi wasitati malak wa huwa Jibril alayhi salam. Le Qur'an tout entier est révélé par l'intermédiaire du Jibril alayhi salam. Allah révèle le Qur'an, parle de par le Qur'an, fait écouter ce Qur'an à Jibril alayhi salam, qui descend pour transmettre cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prend pas le Coran directement. Mais lorsqu'on révèle des livres, ou lorsqu'on révèle du Coran, on fait écouter cela à Jibril et Jibril transmet cela. C'est la parole d'Allah azza wa jal et Jibril la transmet au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, pour la sunna, ça n'est pas toujours de la sorte. Il y a plusieurs façons de recevoir la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la sunna, donc cette deuxième révélation, de plusieurs manières. La première manière, comme le Coran. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal cite la chose, la fait entendre à Jibril, et Jibril descend et transmet cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une deuxième façon de recevoir la sunna pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bil manam, dans son rêve. Dans son rêve. Il recevait parfois la révélation dans son rêve. Donc sans l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Une troisième façon, et il nous a informé que cela était la façon la plus difficile pour lui à supporter. Quelle est cette façon? Qu'est-ce qu'il peut répondre? Non. Comme il entendait Ahsan, comme un son de cloche. Hein? Et c'était très difficile à supporter. C'était la façon la plus difficile à supporter. Comme il entendait comme un son de cloche. Donc ça, c'était une façon également de recevoir la révélation. Parmi les différences qu'il y a, ça peut aussi venir bil ilham. Yani, comment traduire ça en français? Yani, on peut lui mettre dans son cœur directement. On peut lui mettre dans son cœur directement. En ce qui concerne le Coran, comme on a cité, ça vient que avec l'intermédiaire de l'ange de la révélation qui est Jibril alayhi assalam. طيب الحديث القدسي est entre les deux. الحديث القدسي est entre les deux. Jibril peut venir avec. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut le recevoir dans son rêve. Et ça peut être également un ilham. طيب. Donc, le hadith, on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le Coran, on dit Allah ta'ala a dit. Et dans le hadith Qudusi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle et dit Allah a dit. Mais ça n'est pas du Coran. Est-ce que c'est compris? Donc ça se divise en trois. Qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On va commencer. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. Donc ça c'est entre les deux, c'est الحديث القدسي حديث تمذيب. الحديث tu as le droit de le transmettre selon le sens rapproché. Tu as le droit de le transmettre selon le sens rapproché. Tu n'as pas l'obligation de dire les mots exacts qui ont été utilisés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as le droit de transmettre le sens. Tu as le droit de transmettre le sens. Pour le Coran, tu ne peux pas faire cela. Pour citer un hadith qudsi ou pour prendre un livre de hadith, tu n'as pas l'obligation d'avoir tes ablutions. Tu n'as pas l'obligation d'avoir la purification. Contrairement à la divergence qu'il y a pour le Coran. Donc ça c'est une grande divergence entre les deux. Pour prendre le mushaf, le Coran, voyez, certains conditionnent le fait d'avoir la purification. En ce qui concerne la femme qui est indisposée, elle peut prendre un livre de hadith ou réciter le hadith. Par contre, le Coran, il y a une divergence. Donc ça rentre encore dans les distinctions qu'il y a entre le Coran et les hadiths qudsiyya. Et les hadiths. Al-Quran mujzi'un qira'atun fi salah. Amma al-hadith qudsi la yujzi. Si tu pries, tu ne peux pas réciter le hadith qudsi dans ta prière, dans le qiyam. Mais le Coran, si quelqu'un récite 50 hadith qudsiyya, mais il ne récite pas le Fatiha, est-ce que sa prière est bonne? Sa prière n'est pas bonne. Sa prière n'est pas bonne. Et on peut même dire que s'il dit volontairement des hadith qudsiyya fil qiyam, sa prière sera batila. Parce qu'il aura parlé dans sa prière, sans yani il aura parlé de par autre chose que le Qur'an dans le qiyam. Dans le Qur'an, chaque lettre que tu liras, tu seras récompensé d'une récompense. Et pour chaque récompense, on te multipliera cela par 10. Mais ça n'est pas le cas pour le hadith qudsi. Nous n'avons pas de texte sur celui-là. C'est encore une différence entre le hadith qudsi et le Qur'an. Le Qur'an, celui qui renie une lettre, kafa. Celui qui renie une lettre et qui dit qu'un seul verset du Coran n'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal, ou bien que ça n'est pas le Coran, et dément ce livre, ou une sourate, ou un verset, ou ne serait-ce qu'une seule lettre. C'est un murtad s'il était musulman, et c'est un kafir dans le cas contraire. Par contre, le hadith qudsi, lui, il est sujet à l'étude du hadith. Donc, il y a le hadith sahih, il y a le sahih li ghayri, il y a le hasan, et ainsi de suite. Et il y a aussi le da'if, et le maudou', celui qui est faible, celui qui est inventé. Ben pour le hadith qudsi, c'est aussi le cas. Il faut regarder l'authenticité du hadith. Par contre, le Qur'an, kullu mutawatir. Le Qur'an, lui, n'est pas sujet à l'étude du hadith, à la terminologie, où on doit vérifier est-ce qu'il est authentique ou pas, et quel est son degré d'authenticité. Non, le Coran, kullu mutawatir. Par contre, le hadith Qudsi est sujet à l'étude du hadith. Est sujet à l'étude du hadith. Al-Qur'an kullu mutawatir bi khilaf al-hadith al-Qudsi. Voici en gros les différences qu'il y a entre les trois. Voici en gros les différences qu'il y a entre les trois. Donc ici nous sommes devant un hadith Qudsi, un hadith à thème divin. Il y en a bien moins que les hadiths qu'on, on va pas dire normaux, mais qui ne sont pas Qudsi. Il y a donc ce hadith est le hadith de Abu Dharr radiallahu anhu. Sachez que ce hadith, هذا الحديث أشرف حديث أهل الشام سند شامي. Les gens de la chaîne de transmission de ce hadith sont des gens de Cham, la région actuelle qui est la Syrie. فرضي الله عن أهلها ودمر الله الظالمين. Donc la Cham, c'est la région qui se trouve vers la Syrie. Les gens de la chaîne de transmission de ce hadith sont de cet endroit. Et on demande à Allah Azza wa Jalla d'accorder le secours à nos frères qui subissent les injustices là-bas. Et on demande à Allah Azza wa Jalla qui donne aux injustes ce qu'ils méritent. Wa huwa al-qawi al-ali al-sami'u al-basir innahu huwa al-aziz al-rahim. Abu Idris al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, lorsqu'il s'apprêtait à réciter ce hadith, il tombait à genoux avant de dire ce hadith, devant sa beauté et sa lourdeur. Et celui qui lit ce hadith, qui médite ses sens, puis prend l'explication des gens de science, comprendra pourquoi cet homme de science se comportait de la sorte. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette assise, Inch'Allah, et probablement dans une autre par la suite, Inch'Allahu Ta'ala. Donc, dans ce hadith, à 10 reprises, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à ses serviteurs et les appelle en leur disant Ya ibadi, ô vous mes serviteurs, ô vous mes serviteurs. Quand tu dis Ya, c'est Nida, Harfun Nida. C'est pour appeler quelqu'un qui à la base est loin de toi. Ô un tel. Ya, en arabe, c'est comme en français, ô, quand tu veux appeler quelqu'un qui est loin. Ou bien attirer son attention. Ou plutôt, Na'am, appeler quelqu'un qui est loin. Donc, c'est Harfun Nida Lilba'id. C'est un Harfun Nida, c'est une lettre d'appellation, ou bien qui sert à appeler quelqu'un qui est loin. Et cet éloignement peut être makaniya. Donc cet éloignement peut être dû à la distance. La personne est loin de toi, alors tu dis Ya Abdallah, Ya Muhammad. Tu dis Ya car il est loin pour l'appeler. Mais ça peut être également lirif'atil manzila. Ça peut être aussi parce que celui qui est appelé a un noble rang auprès de celui qui l'appelle. Est-ce que vous avez compris? Toi, tu parles à quelqu'un qui est à côté de toi. Mais comme il a une grande place, alors tu commences par dire Ya, ô un tel. Ça n'est pas parce qu'il est loin, mais c'est parce qu'il a une grande place. Comme lorsque tu t'adresses un gouverneur et tu dirais Ya Amir, Ya Amirana, Ya Imam, Ya Sheikh. La personne est à côté de toi, mais tu dis Ya pour yani de par la place qu'il a. Donc c'est l'ittakrim ou l'ulou il manzila également. Donc c'est aussi pour honorer celui à qui tu t'adresses et pour montrer sa valeur. C'est comme si tu l'avais élevé, donc en l'appelant de la sorte. Et si on médite ce hadith, on voit que celui qui appelle c'est Allah Et celui qui a appelé, c'est nous, c'est ses serviteurs, ses créatures, parmi les hommes et parmi les djinns. Et il nous appelle dans le Coran, plutôt il nous appelle dans ce hadith, à dire aux prises. En nous appelant comment ? Ya ibadi, ô vous mes serviteurs. Celui qui médite cette parole, puis par la suite il revient au Coran, médite le Coran, se rendra compte que lorsqu'Allah Azza wa Jal appelle les gens à sa miséricorde, accorde sa douceur à ses serviteurs, il les appelle de la sorte. Donc ici, ya ibadi, ya'ti fi maqami rahma, fi maqam al-lutf wa rifq wa ra'fa. Donc on comprend que ya ibadi ici c'est utilisé pour nous adoucir, pour nous faire don de sa miséricorde, pour nous appeler à revenir vers lui et à tirer profit de sa miséricorde. Et lorsque tu vois les prophètes s'adresser à leurs enfants dans le Coran, ou bien les gens vertueux, Nuh, lorsqu'il a voulu appeler son fils à revenir à l'islam et à s'éloigner des gens injustes, il lui a dit « Ya Bunay ». Et lorsque Luqman alayhi salam a conseillé son fils, il lui a dit « Ya Bunay ». Et lorsque Ibrahim alayhi salam a parlé à son fils « Ya Bunay ». Et ainsi de suite. Donc, cela a pour but d'attirer l'attention de celui qui t'écoute, d'adoucir son cœur et de lui montrer que tu as de la rahma pour lui, de la miséricorde pour lui, et que ce qui va être cité doit donc être pris en compte. Premièrement, ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tazalam. La première phrase du hadith. Ô vous mes serviteurs, Allah Azza wa Jal t'appelle. Et lorsque tu écoutes un hadith qudus, ou lorsque tu lis le Coran et que tu entends Ya ayyuhal ladhina amanu, Ya ayyuhal nas, ne pense pas que ce message s'adresse à quelqu'un d'autre. Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à toi car tu es sa créature, son serviteur. Il t'a créé pour que tu l'adores, subhanahu wa ta'ala, et que tu l'unifies d'un culte sincère. Il te donne soit une information que tu devras reconnaître, soit un ordre que tu devras mettre en pratique, soit un interdit duquel tu devras t'éloigner. Ici, c'est une information suivie d'un ordre, ou d'une interdiction plutôt. Inni harramtu dhulma ala nafsi. La première information, je me suis interdit à moi-même l'injustice. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal s'est interdit la justice? Comment est-ce qu'il s'est interdit la... Là, on ne rentre pas dans cela. Mais Allah Azza wa Jal, la ghulimu mithqala dharrah. Limadha likamali adlihi tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shayin qadir. Wa likamali adlihi la ghulimu ahada. Allah subhanahu wa ta'ala est omnipotent. Il fait ce qu'il veut et on ne le questionne pas sur ses agissements. Mais il s'est interdit à lui-même l'injustice. Et personne ne peut interdire quoi que ce soit à Allah tabaraka wa ta'ala. فهو الملك الحق الجبار تبارك وتعالى القوي العزيز. Il s'est interdit à lui-même l'injustice. Allah n'opprime personne. Et il a la justice parfaite. Chaque attribut d'imperfection qu'on renie pour Allah subhanahu wa ta'ala, duquel on purifie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour affirmer la perfection du contraire. Donc Allah Azza wa Jal n'est jamais injuste, car il a la perfection dans la justice. Il a la perfection dans la justice, subhanahu wa ta'ala. Al-dhulm, wad'u shay'i fi ghayri mawdi'i. Al-dhulm, l'injustice c'est quoi? C'est le fait de mettre une chose dans l'endroit où il ne convenait pas de le faire. C'est la définition de l'injustice. Le fait de mettre une chose dans l'endroit où il ne convenait pas de le faire, à la place où il ne fallait pas. Certains savants disent Ali i'tida al-ghayr ou ala huquq al-akharin. C'est le fait de dépouiller la personne de son droit ou de dépasser les limites. Mais la définition plus générale est la première que nous avons citée. Donc c'est le fait de placer une chose où il ne convenait pas de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: wa ma rabbuka bi dhallam lil'abid. Et ton Seigneur n'opprime pas les serviteurs. Allah tabaraka wa ta'ala s'est purifié de l'injustice. Il n'opprime personne subhanahu wa ta'ala. Ni en t'enlevant des hasanats que tu as eues dans ce bas monde, ni en te mettant des péchés que tu n'as pas commis dans ce bas monde. Allah Azza wa Jalla ne t'opprime pas, ni dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. Même le kafir billah al-azim, Allah ne l'opprime pas. Même le mécréant, Allah ne l'opprime pas. Tout le bien qu'il fait dans ce bas monde, Allah Azza wa Jalla lui donne. Mais celui-ci a agi pour quel but? Pour l'au-delà, pour Allah, ou bien pour ce bas monde? Pour ce bas monde, bah Allah Azza wa Jalla lui donne dans ce bas monde. Il lui donne dans sa subsistance, il donne avec des enfants, il lui donne, il lui donne, il lui donne. Mais yawm al-qiyam, Allah Azza wa Jal le saisit d'un châtiment douloureux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'opprime personne. Et l'injustice dans ce bas monde, la plupart du temps, se réalise par celui qui est fort envers celui qui est faible. Et le plus fort, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa fawqa as-sab'a samawat 'ala al-'arsh istawa. Wa ma'a dhalik, ma'a kamal sultanihi wa quwwatihi wa jabarutihi tabaraka wa ta'ala, la yadhlimu mithqala dharrah. Donc ceux qui sont forts dans ce bas monde penchent vers l'injustice. Hein? Et à la base, l'homme lorsqu'il est créé, il penche vers l'injustice et l'ignorance. Inna ukana zaluman jahula. La base dans la personne, c'est pas la justice et c'est pas la science, c'est le contraire. C'est l'ignorance et l'injustice. Mais Allah Azza wa Jalla par la suite te guide. Allah Tabaraka wa Ta'ala par la suite te purifie de par le Coran et de par la Sunna et de par la mise en pratique de cette religion. Tu apprends donc en sortant de la... et tu sors de l'ignorance. Et tu te corriges et tu sors alors de l'injustice. Et ceux qui ne se corrigent pas par ces deux choses-là restent injustes et ignorants. Wal'iyadu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers les nombreux hadiths qu'il nous cite, et même cela avant dans le Coran, on nous apprend de par les textes que l'injustice se divise en trois. La première sorte d'injustice, c'est l'injustice que fait le serviteur en faisant du shirk, de l'association du polythéisme, en donnant un droit propre à Allah Azza wa Jal à un autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah est celui qui t'a créé, le seul à diriger tout ce qui se passe dans les cieux et la terre. C'est donc le seul à mériter l'adoration. Il a les noms les plus parfaits, les attributs les plus complets. Si toi tu viens et tu dis qu'il y a un autre créateur avec Allah, ben tu auras fait de l'injustice. Si toi tu viens et tu dis qu'il y a quelqu'un d'autre en dehors d'Allah Azza wa Jal qui gère ce qui se passe dans les cieux et la terre et qui a le pouvoir de décider, ben tu auras donné un égal à Allah Azza wa Jal, c'est la pire injustice. Si toi tu donnes une adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu auras fait la pire injustice, ash-shirku billah. Si toi tu affirmes la perfection absolue à un autre qu'Allah Azza wa Jal, ou tu dis que quelqu'un est semblable à Allah Azza wa Jal, ben tu auras commis la pire injustice qui est shirk billah. C'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas, parce que c'est la pire injustice. Allah lui dit dans le Coran, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Allah nous dit, walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'mal. C'est le seul péché, si tu le commets, Allah annule toutes tes actions. Toutes tes actions. Subhanallah. Inna shirka la zulmun azim. Certes, le polythéisme est une énorme injustice. Certes, le polythéisme est une énorme injustice. Le second type d'injustice, c'est l'injustice que l'homme se fait à lui-même en commettant des péchés. Zulmul abd nafsahu بارتكاب المعاصي. En commettant des péchés, tu es injuste envers toi-même. Car Allah t'a créé, t'a donné tout ce qu'il te fallait. Il t'a envoyé le messager de révéler le Coran et t'a montré le chemin qui te mène au paradis, le chemin qui va t'amener à affranchir ton âme. Ben tout ce que tu fais à l'encontre de ce chemin, ben sache que tu as opprimé ta personne. Parce que tu es en train de l'emmener dans un chemin qui mène en enfer. Wal'iyadhu billah. Si c'est. Donc l'obligation que tu as, c'est d'affranchir ton âme de l'enfer en obéissant à Allah Azza wa Jalla dans ce bas monde et en t'éloignant de ses interdits et en reconnaissant l'ensemble de ses informations. Le troisième type d'injustice, dhulmul 'abd bil-i'tida' 'ala al-akharin 'ala huquq al-akharin. Le troisième type d'injustice, c'est le fait d'opprimer les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala en retenant de leurs droits ou en dépassant les limites. Comme le fait de tromper les gens, comme le fait d'égarer les gens, comme le fait de mentir sur les gens, comme le fait d'insulter quelqu'un, comme le fait de voler quelqu'un, comme le fait de frapper quelqu'un, et ainsi de suite. Donc voici les trois formes d'injustice. Et les gens pieux sont les seuls qui ont peur de l'injustice. Les injustes, en général, sont ignorants. Alors ils ne craignent pas l'injustice, subhanallah, car ils n'ont pas étudié la gravité de ce péché. Et ne connaissent pas les répercussions et les effets néfastes de l'injustice et d'opprimer les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Wallahi que même les animaux dans l'islam, c'est interdit de les opprimer. Que dire alors de Ibn Adam? Que dire alors d'un musulman? Que dire alors de quelqu'un qui a des droits sur toi? Al-Zulm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est-il pas le plus juste des créatures? N'est-il pas celui qui connaissait le mieux Allah et le plus loin de l'injustice? Ben, et malgré cela, il avait peur de l'injustice, subhanallah. Il est venu un jour et appelé les gens de sa famille. Et appelé les sahabas. Et leur a dit, si j'ai fait une injustice à qui que ce soit, qu'ils viennent maintenant me demander son droit. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va opprimer quelqu'un? Abadan, jamais. Mais la connaissance qu'il avait d'Allah azza wa jalla, la crainte qu'il avait d'Allah, l'a poussé à agir de la sorte. Et un jour dans une bataille, il a rangé les rangs. Il a rangé les rangs de l'armée. Il y a un homme qui était avancé parmi les gens. Il s'était avancé un petit peu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et lui a dit « Istawiya Sawad, arrange-toi » et il s'appelait Sawad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un petit bâton et il lui a appuyé sur le ventre pour le faire reculer afin qu'il s'aligne dans le rang. Sawad a dit « Aïe, tu m'as fait mal au messager d'Allah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Il a levé son vêtement et découvert son ventre et il lui a dit « Prends ton droit sur moi. Tiens et refais-moi la même chose. » Alors Sawad radiallahu anhu est tombé à genoux et a embrassé le ventre du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le nombril. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Qu'est-ce que tu fais, Sawad ?» Alors Sawad lui a dit « Ya Rasulallah, aujourd'hui c'est un jour difficile et il y aura des martyrs et il y aura des gens qui vont mourir et j'espère en faire partie. Alors j'ai voulu que la dernière chose que mon corps ait touché soit ton corps. » Shahidna min al-hadith khawfu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam min al-zulm. Pourquoi est-ce que j'ai cité ce hadith? Car ça nous montre combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur de l'injustice. Le chef de l'armée, est-ce que ça ne fait pas partie de son droit d'arranger les rangs? Oui ou non? Ça fait partie de son droit. Il a le droit de reculer quelqu'un, d'avancer quelqu'un, d'élever sa voix sur quelqu'un. Ça n'est pas de l'injustice, ça fait partie de son droit. Malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par crainte d'Allah, puis par crainte de l'injustice et de ce qui se passera pour les injustes yawm al-qiyamah, il est venu et agit de la sorte. Et les exemples sont nombreux, subhanallah. Les exemples sont nombreux. Omar ibn Khattab radiallahu anhu un jour marchait la nuit. يتفقد الرعية. Il marchait et afin de s'enquérir des informations, de son peuple et de savoir si quelqu'un est dans le besoin. Et à ce moment-là, et cette nuit, il a entendu une femme dire, Omar, Amir al-Mu'min, la jazallahu khayran, qu'Allah ne le récompense pas. Il a eu peur, il est parti voir cette dame, il lui a dit, pourquoi est-ce que tu as dit ça? Elle lui a dit, ne vois-tu pas l'état dans lequel nous sommes? Omar ne fait rien pour nous. Alors Omar radiallahu anhu lui a dit, peut-être qu'il ne sait pas l'état dans lequel vous êtes. Comment Omar va être au courant de une femme qui habite dans tel endroit et ainsi de suite? Elle lui a répondu, c'est Amir al-Mu'minin, c'est le responsable de tous les croyants et il ne connaît pas mon état. Pourquoi c'est Amir al-Mu'minin alors? Alors Omar al-Khattab lui a dit, attends, il est parti. Il a pris de la nourriture. Il a porté cela sur son dos. Alors un homme est venu le voir et lui a dit, laisse-moi porter. Il a dit, tu ne vas pas laisser Omar al-Khattab porter devant toi. Omar al-Khattab lui a dit, laisse-moi, tu ne porteras pas mes péchés. Yom al-Qiyam. Il a porté cela lui-même alors que c'était le gouverneur. Alors que c'était Sahabi. Alors que c'était Khalifatul Muslimin. Alors que c'était le Mubashir bil Jannah. Malgré tout ça, il a porté cela lui-même. Il est venu à cette dame et lui a dit, tiens. Elle lui a dit, pourquoi est-ce que tu fais ça pour moi? Elle lui a dit, toi tu mérites d'être Amir al-Mu'minin. Alors que c'était Omar, radiallahu anhu, mais elle ne le connaissait pas. Elle lui a dit, c'est toi qui mérites d'être le calife des musulmans. Et il lui a dit, je vais te demander une chose. À partir d'aujourd'hui, dès que tu as un problème avec Omar, dis-le-moi à moi. Dis-le-moi à moi. Lorsqu'il est parti, lorsqu'elle est partie, Omar lui a dit, la femme a dit à Omar, radiallahu anhu, pourquoi est-ce que tu fais tout ça pour lui? Omar, radiallahu anhu, a dit, Akhsha alayna. Subhanal Malik. Omar radiallahu anhu a dit, parce que j'ai peur pour lui du feu de l'enfer. Une femme retirée, dans un lieu retiré, et Omar radiallahu anhu voit que s'il ne s'occupe pas de cette femme, il est injuste. Fala hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Voici l'époque à laquelle ils ont vécu. Voici l'époque à laquelle ils ont vécu. Il n'y avait pas d'injustice. Ou très peu d'injustice. Nous, à notre époque, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa ila Allahi mushtaqun. On peut dire que ça. On peut dire que ça. C'est auprès d'Allah Azza wa Jal qu'on se plaint. À l'époque, le musulman ne craignait le mal que des koufars et des munafiqs. Aujourd'hui, le musulman doit se préserver même de certaines personnes peut-être qui sont autour de lui. Wallahu musta'an. Wallahu musta'an. Wallahu yatawalla salihin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'injustice et de la rétribution des injustes. Yawm al-qiyam. Yawm al-qiyam, la personne va venir avec des montagnes de hasanat. Elle va s'avancer. Elle sera contente de voir ses nombreuses hasanat. Ensuite, un homme va venir et va dire, Ya Rab, ô mon Seigneur, un tel m'a opprimé. Allah va lui dire, prends ses hasanats. Et il va venir, il va prendre ses hasanats. Un deuxième va venir, Ya Allah, un tel m'a opprimé. Prends ses hasanats. Et les gens vont se succéder jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. À la fin, il y aura encore des gens qui vont venir se plaindre de lui. Parce qu'il faisait beaucoup de mal et opprimer les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Il n'a plus de hasanats. Comment est-ce qu'on fait? On va leur dire, déposez vos péchés sur lui. Ils vont se décharger de leurs péchés sur cette personne jusqu'à ce qu'ils tombent en enfer. Comment après ça on pourrait dire je m'en fiche et ce genre de parole? Alayna an nahdhara 'adhab rabbina. On doit prendre garde au châtiment de notre Seigneur yawm al-qiyamah pour les injustes. Wa la tuzakki nafsak. Et ne dis pas moi je suis bien. Et moi je n'ai pas de défaut. Et moi c'est moi qui avais raison. Combien de personnes ont raison au début puis ils finissent par être injustes? Combien de personnes ont commencé par être opprimées et ensuite ils sont devenus eux les injustes? Pourquoi? Parce que lorsque tu leur parles d'Allah, ils ne t'écoutent pas. Et lorsque tu leur dis le prophète sallam a dit il ne t'écoute pas, il veut que son haqq. Alors que lui-même s'il avait pensé à sa personne, il se serait rappelé de tous ses péchés. Et de tout le mal qu'il a fait aux autres. Il aurait pris du recul. Et aurait écouté. Et aurait mis en pratique la parole du prophète sallam, la tardab, ne te mets pas en colère. Et aurait combattu son nefs, et aurait combattu son shaitan. Et aurait reçu par la suite l'agrément d'Allah. Mais non, il n'écoute pas qu'à Allah. Il n'écoute pas qu'à la Rasulullah. Il n'écoute pas les conseils. Comment est-ce que ça se finit comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité dans le hadith? Wallahu musta'an. Yom al-Qiyam. Et la connaissance de ce jour et de ce qui s'y passera est une des plus grandes causes pour t'éloigner de l'injustice. Wallahi, que si tu lis le Coran et que tu médites sur les versets de Yom al-Qiyam, cela sera suffisant, si ton cœur est encore vivant, pour t'éloigner de l'injustice. Pour t'éloigner de l'injustice. Et une personne parmi les pieux prédécesseurs, un jour marchait et pensait à ses péchés. Et il était perdu. Et il avait peur d'Allah Azza wa Jal parce qu'il se trouvait injuste. Et en chemin, il a entendu le claquement d'une porte et un petit garçon qui était devant sa porte. Sa mère l'avait mis à la porte parce qu'il lui avait désobéi. Sa mère l'avait mis à la porte parce qu'il lui avait désobéi. Cet enfant s'est adressé à sa mère avec des paroles qui toucheraient même le cœur qui est dur comme de la pierre. Il lui a dit, « Ya umma tarattini, tarattini. Awqaftini inda al-bab, aw duna al-bab. Faman ya'wini wa yaftahu li baba. » Cet homme a dit, « Ya umma tarattini. Oh ma mère, tu m'as mis à la porte et tu m'as viré de la maison. » C'est un petit garçon qui s'adresse de la salle. « Et tu m'as mis à la porte. Mais qui est-ce qui va prendre soin de moi si toi tu me délaisses? Qui est-ce qui va m'ouvrir la porte si toi tu me la fermes ?» Lorsque cet homme a entendu ces paroles, il a tourné sa tête et a vu que la mère est revenue à ouvrir la porte et a pris son enfant. Elle a été touchée des paroles de son enfant. À ce moment-là, cet homme qui commença à désespérer, a dit « Wajadtu qalbi, wajadtu qalbi, j'ai retrouvé mon cœur. » Si cette femme a été attendrie par les paroles de cet enfant, Allah Azza wa Jal a plus de pitié envers ses serviteurs que cette femme. Alors il va faire de moi que du bien. Alors il fera du bien de moi que du bien. Celui qui a dépassé les limites dans les péchés, il ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il doit revenir vers lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'injustice dans plus d'une centaine de fois dans le Coran, 170 fois environ. Et c'est celui qui ne fait pas d'injustice. Si on médite sur le hadith, on voit qu'Allah Azza wa Jal, c'est le seul qui peut faire ce qu'il veut. Et de ses serviteurs également, il fait ce qu'il veut. Malgré ça, il s'est interdit l'injustice. Si Allah, le Seigneur des mondes, le plus fort, le seul à faire ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, s'est interdit lui-même l'injustice, est-ce que toi, le serviteur faible, même si tu penses que tu es plus fort que les autres, wa rabbil ka'ba, t'es faible, le plus fort d'entre nous est faible. Car Allah nous dit ce que nous informe de cela dans le Coran. Que ça te plaise ou non, tu es un serviteur et tu es faible. Tu es né comme tout le monde. Tu es dans le besoin comme tout le monde. Et tu tombes malade comme tout le monde. Et tu rentres au WC comme tout le monde. Tu es un serviteur faible. Si Allah Azza wa Jal, celui qui est pur et qui est fort, s'est interdit à lui-même l'injustice, toi après tu vas venir et tu vas opprimer ses serviteurs. Subhanallah. Les savants ont dit, si Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui est fort et puissant, s'est interdit à lui-même l'injustice, alors que c'est Al-Fa'al lima yurid, est-ce qu'il te convient après toi, le serviteur faible, la créature d'Allah Azza wa Jal, celui qui s'est interdit à lui-même l'injustice, est-ce que toi tu vas te permettre l'injustice? Est-ce que toi tu vas rester borné après avoir commis des injustices? Là, tu dois revenir à la droiture. Tu dois craindre Allah Azza wa Jal et lui demander pardon. Et sache que celui à qui tu fais de l'injustice, Allah le secourt et exauce son invocation. Même si c'est un kafir, il n'y a pas de voile entre Allah et l'invocation de l'opprimé. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a envoyé Mu'az au Yémen, alors que c'était des gens du Libre, il lui a dit « Wattaqi da'wat al-mazloum » « Fais attention à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. » Après nous avoir informé de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallam nous dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Ya ibadi. Une deuxième fois, avant de dire l'information, il nous appelle comment? Ya ibadi. Il nous appelle avec cette douceur. Il nous appelle avec cette rahma, avec cette pitié. Et celui qui regarde le Coran, il voit que ce mot-là, ibad, n'est utilisé que dans ce contexte de rahma, de miséricorde. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Lorsque mes serviteurs te demandent à mon sujet, je suis proche. Et Allah Azza wa Jal nous dit aussi, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Regardez dans ce verset. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, ô vous mes serviteurs, comment est-ce qu'on nous appelle? Ibadi. Regardez la suite du verset. Ô vous mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, contre vous-même, c'est-à-dire en faisant des péchés. La suite, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Subhanallah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car certes, Allah pardonne tous les péchés. Ça, c'est avec le repentir. Tous les péchés. Donc Allah t'appelle Ya Ibadi. Et dans ce hadith, Ya Ibadi, كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهديكم. Ô vous mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi de vous guider, je vous guiderai. Dans ce passage, on nous informe que nous sommes tous égarés, sauf celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé. Si on t'informe que tu es égaré, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demander à Allah Azza wa Jal la guider. Dans ce passage, on te parle du plus grand bienfait qu'Allah Azza wa Jal donne à son serviteur. Dans ce passage, on te parle du plus grand bienfait après t'avoir donné la vie dans ce bas monde. C'est qu'Allah te guide à l'islam. C'est qu'Allah te guide sur le bon chemin. Ce chemin qui t'amène où? À la miséricorde d'Allah. Par cette miséricorde, qu'est-ce que tu obtiendras dans l'au-delà? Al-Jannah. Wa ma fiha. Donc, cette chose, c'est le plus grand bienfait par lequel Allah Azza wa Jal comble ses serviteurs. Lorsque l'enfant naît, il naît sur la fitra. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Kullu mawlud yuladu ala al-fitra. Chaque nouveau-né, lorsqu'il naît, il naît sur la prime nature. C'est-à-dire qu'il est prédisposé à reconnaître la vérité lorsqu'elle se proposera à lui. Mais il nous dit, ses parents. Donc il y a un facteur qui vient affecter tout ça. Ou bien la société, ou bien tes fréquentations, et ainsi de suite. Ses parents en font soit un juif, soit un chrétien, soit un adorateur du faux. Mais à la base, lorsqu'il naît, il naît sur le tawhid. Ou bien il naît prédisposé à reconnaître la vérité lorsqu'elle se proposera à lui. C'est ce qu'on appelle al-fitra. C'est ce qu'on appelle al-fitra. Ça ne veut pas dire s'il grandit comme ça, ça va être un musulman, il va adorer Allah Azza wa Jalla. Non, ça veut dire que si tu ne changes pas cette fitra, ben il va reconnaître la vérité lorsqu'elle se présentera à lui. Combien de nos frères convertis n'avaient jamais entendu parler de religion? On leur a parlé, Allah est celui qui a créé, Allah est celui qui donne, Allah est celui qui te soigne, c'est le seul qui mérite l'adoration, c'est celui qui a tout créé, ceci, cela. Il reconnaît tout. Et à la fin, on lui dit, c'est l'islam et c'est le prophète sallam qui nous montre cela. Tu dois reconnaître que c'est le message d'Allah. Il reconnaît cela. Il dit, shahada, et le voici parmi nous. Et on en voit autour de nous. Et on en voit dans cette assise, wallah alhamdi wal minna. Et probablement que demain, une dame va venir se convertir, inshallah ta'ala, comme la semaine dernière ça a été le cas, et comme régulièrement, bihamdillahi azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde pour nous, nous a rendu obligatoire le fait de lui demander la guider au minimum 17 fois par jour. Dans quelle sourate? Al-Fatiha. Dans quel passage? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le chemin droit. C'est... Le temps est fini? Guide-nous. Comment? Guide-nous sur... Guide-nous dans le chemin droit. Donc Allah Azza wa Jal t'a rendu obligatoire le fait de lui demander. alors qu'il n'a pas besoin de toi, alors que le bien revient sur toi. Et inshallah, demain, on va continuer l'étude de ce hadith azim. On as Allah subhanahu wa ta'ala a yaghfira lana zunubana wa yukaffira anna siyyatina wa yatawaffana ma'al abrar wa sallahumma ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alimna ma jahilna wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.